C'est diable qui j'en bonne fait pour ça yo langue yo filé pas son rasoir mon ça yo bido mouri kayo boule langue yo sauvé mon ça yo bido mouri kayo boule langue yo sauvé on marche propre yo pas le mal on marche sale yo pas le mal tout son fait yo pas le mal langue yo filé pas son rasoir mon ça yo bido mouri kayo boule langue yo sauvé Monsayo pito mouri, kayo boule langue yo sauvé. Thank you.